Alors attention, avant d'attaquer les débats de Gérard, hein. Petite parodie quand même. Ouais, comme d'habitude. Les débats. Pas de radio et pas d'insultes. De Gérard. Et voilà, donc bonsoir à tous et bienvenue sur Fun Radio, c'est les débats de genre du jeudi. Donc vous pouvez nous appeler au 0803-08-5000. Les lignes téléphoniques sont maintenant ouvertes pendant 5 minutes. Ouais ben c'est pas mal et donc ce soir au standard c'est Fider et Apolline qui vous y attendent. Je suis overready là, bonsoir à tous. Mais ouais, salut Gérard, tu vas bien mon amour? Moi, qu'est-ce que t'as peu de foutre, toi, pétasse? Et hop, toi, là-bas, parce que je t'ai prévenu hier et pendant la réunion, si tu me fais du boulot de merde, tu prends deux claques dans ta gueule, d'accord? Comme ça, maintenant, t'es prévenu. Et donc, l'arrière sur le Minitel 3615, code Fun Radio, rubrique direct, ça va être Manu. Bah ouais, salut, quoi. Et sur l'internet www.funradio.fr, c'est mon pote Rigo. Yo, salut, connard. Ouais, tu tiens, tu me parles pas comme ça. Et donc, le débat ce soir, ça porte sur le festival de Cannes. Donc, pour ça, on va accueillir Petite Marche, 25 ans de Nice, où on peut écouter Fun Radio sur quelle fréquence, s'il te plaît? Sur le 103.7. Bonsoir, Gérard. Bonsoir. 103.7, d'accord. Et on va accueillir Palme, qui sent ouais. 23 ans de Fréjus. Ouais, tout à fait. On donc, ta fréquence pour toi? Ouais, c'est 117.5. Ok. Ouais. Salut à toi. Bonsoir GG. Bonsoir. Donc oui. Je vous pose la question. Donc faut-il obligatoirement coucher avec son producteur pour monter les marches du festival de Cannes ou de son immeuble? Donc on va demander Palme qui petite marche pour toi tiens pour commencer. En fait si le producteur habite à plus d'un étage, ouais, c'est clair que si tu veux te le faire, il vaut mieux monter les marches. Et après, si les marches ont un tapis rouge et qu'elles se trouvent à Cannes, c'est encore mieux, tu te fais de la thune. Ouais, mais moi, je vois pas le rapport avec l'argent et le festival de Cannes. Ouais, moi non plus, mais bon. Ok, ouais, je crois que vous creusez pas trop la tête pour répondre aux questions, mais c'est pas grave. Donc, on va demander pas une puissance pour toi. Ouais, bah écoute, si c'est toi qui fais la marche, je veux bien la monter. Et je sais pas, en ce qui concerne l'immeuble, ouais, je te visiterai bien le sous-sol, quoi, la cave, quoi, en fait. Eh ben moi, je te nique ta race, espèce de connard. Oui. Allez, hop, au revoir. Hop là. Bonne nuit pour lui. Ça t'amuse pas à le prendre sous un autre nom, toi, pétasse. Mais non, t'inquiète pas. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, qui c'est qu'on a à la place? Bah Gérard, à la place, on accueille Palme qui pue, 23 ouais. ans de Brest. Ouais, salut GG. Ouais, salut. Salut. C'est ça, et ça, c'est. Tu vas pas me dire que c'est pas le même que t'as pris la place. Ah non, c'est pas le même. Et non, t'inquiète pas. Donc, pour toi, la question, t'as entendu? Non, tu peux me la répéter un petit coup, là. Oh là là là là là là là là, je veux pas continuer comme ça. C'est le standard, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Faut-il obligatoirement coucher avec son producteur pour monter les marches du festival de Cannes ou de son immeuble? Bah écoute, je sais pas, moi j'ai pas de producteur, donc je lance un appel à tous les producteurs, hein, si vous voulez coucher pour m'emmener au festival, tout ça, la suite, y a pas de problème. Tu m'attends. Ok. Mmh. Ok. Okay. Ok, donc, voilà, quand on n'a pas préparé. Petit sondage? Ok, donc, moi, je vais vous dire un sondage que j'ai récupéré dans le journal de la Belette sur Anoise. Pour la question, faut-il obligatoirement coucher avec son producteur pour monter les marches du festival de Cannes de son immeuble? Il y a 97% des gens qui n'ont pas la langue dans leur poche, mais dans le cul des babouins rasta comme Gérard. Donc là, je vois pas du tout le rapport. Non. 75% des gens qui veulent rester dans l'anonymat. Donc là, je vois pas trop le thème non plus. Et 53% des gens qui ne peuvent pas livrer la commande de cristalline demandée à Suren pour cause de rupture de stock. Donc là, je vois ça, c'est même pas la peine. Ça, c'est encore ça doit être des conneries d'Olivier. Donc là, on la badoie. Hop, ça va à la poubelle. Donc, pardon, excusez-moi. Voilà. Donc, je vais vous répondre à la question. Donc, moi, je peux vous dire une chose, c'est que moi, c'est pas pour être chauvin, mais il y a pas mal d'acteurs qui couchent avec leurs producteurs pour réussir. Et ça, c'est inconvenable. Ça, je peux vous le dire. Donc, c'est même pas la peine. Ouais, et toi, t'es pas passé à la casserole pour bosser à Fun? De toute manière, maintenant, on est obligé. Donc, si tu veux réussir maintenant dans le travail, t'es obligé. C'est comme ça. Moi, ben... Ouais, ben, tu meurs pas, toi, derrière. Donc, oh, qui c'est qu'un... Qu'est-ce qu'un sans fil? Quoi, son portable? Oh là... Allez hop, bon allez hop, bon, je n'en ai marre, ça commence à bien faire la trampoline, hein, celui qui a du monde derrière, tu te dégages, bon, je veux pas continuer comme ça le débat, hein. Mais t'inquiète pas, Gérard, c'est pas les auditeurs. Ouais, c'est ça, et t'as ma main dans ta gueule, tu vas voir tout à l'heure si c'est pas les auditeurs. Bon allez hop, conclusion, donc conclusion pour toi, Palme qui pue, bah, là je commence à en avoir ras-le-bol. Bah écoute, le festival de Cannes, moi j'y ai jamais été, mais si tu veux m'inviter en VIP à ton festival de crade, je veux bien venir. Eh bah allez hop, bonne nuit pour toi, on va te faire sauter, hop, dégage. Donc petite marche pour toi pour finir, ouais, et après on fait conclusion parce que ça commence à bien faire. Moi des débats comme ça j'en mets même plus, c'est même plus la peine. Mais attends, bah c'était tellement de la merde que j'ai même pas envie de conclure quoi. T'inquiète, okay, bah allez hop, bonne nuit pour toi aussi, c'est bien. Comme ça les débats c'est même plus la peine de les faire, parce que si c'est pour prendre des auditeurs de merde comme d'hab, ça c'est même pas la peine. Donc Apolline, c'est même plus la peine que tu reviennes dans les débats, j'avais déjà prévenu. Donc et t'amuses pas à traîner dans les couleurs, sinon tu vas t'en prendre une dans la gueule. Donc la conclusion c'est ce soir qu'il y a que Manu et Rugo et Fildar qui ont fait du bon boulot. Oh putain, eh, je sens que dans deux secondes j'arrête. Bon allez hop. Continue, conclusion, t'en as pour deux minutes, quoi. Donc, il n'y avait qu'Olivier. Olivier, lui, c'est du n'importe quoi, il nous fait des sondages de merde. Et Apolline, elle fout sa merde. Alors, hop. Rigo, on est combien sur Internet? Ouais, j'ai énormément de monde sur l'IRC. On est exactement 8395 avec la conclusion de Yankee qui dit que le festival de Cannes est aussi comblé que le trou du cul de Gérard. On y rentre à plusieurs. Et Turpentine qui ajoute que ton débat n'avait ni queue ni tête comme toi. Eh ben moi je l'emmerde cette salope. Donc dans un instant vous allez retrouver Moulinex pour les nuits sans pub jusqu'à 6h et dimanche Max pour la radio libre et balade de nuit, et on va s'écouter. Mes chaussettes sales sont aussi bons que mon petit anus en furie. Donc à la semaine prochaine et bonne nuit à tous. Bravo encore pour cette parodie en direct là dans une cabine téléphonique, il faut bien le dire, hein. Bravo encore parce que c'était pas évident, et dans un instant les vrais débats de Gérard arrivent avec le festival de Cannes. Si vous voulez intervenir dans ce débat, 0803 08 5000, c'est ZR avec Daryl Pandy pour Balinov, tout de suite sur Fun Radio.